troisième temps de notre série consacrée à la construction d'une nation, l'Algérie. Aujourd'hui, le débat sur les mémoires de cette guerre d'Algérie en Algérie. Lundi, nous nous sommes intéressés à la construction d'une Algérie coloniale au XIXe siècle avec l'historienne Hélène Blé. Hier, nous nous sommes arrêtés sur la décennie noire de la guerre civile et avant demain de vous proposer le documentaire de Séverine Yatar et Séverine Kassar sur les lectures successives du film de Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger, nous allons ce matin nous intéresser aux mémoires de la guerre d'indépendance avec Séverine Yatar qui co-animera cette émission avec moi, avec Emmanuel Alcaraz. Il est docteur en histoire et auteur des lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne paru il y a 2 ans chez Tala. Nedjib Sidi Moussa est également avec nous. Il est docteur en sciences politiques et auteur d'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messaliyaj, qui vient de sortir le mois dernier aux presses universitaires de France. Et Karima Diresh est également avec nous au téléphone. Elle est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire TELEM à Aix-en-Provence. Et elle a dirigé un ouvrage collectif à paraître dans les semaines à venir, ouvrage dans lequel d'ailleurs interviennent et Emmanuel Alcaraz et Nedjib Sidi Moussa. Et cet ouvrage s'intitule « Chez Kartala, l'Algérie au présent entre résistance et changement » et elle a participé également aux études offertes au chercheur Omar Carlier aux éditions de la Sorbonne. Ali, tu m'entends? Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus. لازم تكونوا واجدين لازم نكونوا واجدين واجدين لا باطاي دارجي نمسغركع وكلش حطوا الودان برونشي ولزقوا معنا خير نافونسي نافونسي الوراق بدات تسركل تحت المنطف المارشي افتح حبة ميساج من عند اللي نوستالجي قالوا لك خصنا النظام باش نربيو النظام هاد لا باطاي دارجي بين الحضور الكرام ما يحسوش على الانتقام الشعب احنا ريبونديو إرادة تعلي لابوانت تخطيط بن مهيدي المانجمنت الحديدي حب تعود تعمر غير بدا مالا فيدي نخدمو ندو حقنا دي دين خلاص الكريدي خطيونا من اللي بلوكاج كونو شوية مفيدين ديناميك رولا بروباغوند عمر الصغير يا ويدي جايبين لي تكنيك دو بوان غلفينها بالتقليدي بومباعين داخل قصة تحب تدير بدا حدار لا باطاي دارجي غير البلوكاج يا ستار لا باطاي دارجي بروجي صغير ولا من الكبار لا باطاي دارجي حاجة ما تجيب الانتظار لا باطاي دارجي حارب حتى الانتصار لا باطاي دارجي شامي تطفى فينا النار لا باطاي دارجي تسمع فينا في الاخبار لا باطاي دارجي من تروطوار لي زوسكار لا باطاي دارجي. Un extrait du titre de rap autour de la bataille d'Alger signé Diaz, rappeur algérois qui travaille avec le collectif algérien Elouma. On parlera de la bataille d'Alger demain dans notre documentaire, votre documentaire, Séverine Yatar, bonjour. Bonjour. Que vous avez réalisé avec Séverine Kassar autour de ces différentes interprétations depuis les années 1960 et nous allons nous arrêter justement sur un moment important, à savoir cette guerre d'Algérie qui est racontée dans la bataille d'Alger, mais dans la façon dont elle a cheminé dans les mémoires. Avec vous, Karima Diresh, bonjour. Vous m'entendez, Karima Diresh? Oui, je vous entends très bien. Voilà, bonjour à vous. Avec Emmanuel Alcaraz, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Nedjib Sidi Moussa, bonjour. Bonjour. Alors, Nedjib Sidi Moussa, cette guerre d'Algérie, est-elle encore présente, par exemple, dans les manifestations qui ont permis, donc, que hier soir, on apprenne le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika? Est-ce que vous y étiez la semaine dernière? Vous êtes revenu il y a très peu de temps, d'Alger. Est-ce que vous avez vu, entendu des slogans, des messages, des pancartes qui faisaient référence encore aujourd'hui à cette guerre d'Algérie dont on va parler pendant cette émission? Oui, bien sûr, en précisant évidemment que les Algériens préfèrent parler de révolution et parfois de guerre d'indépendance. Bien sûr. Et alors, le premier symbole qui était brandi, c'était d'abord le drapeau, bien sûr, là, un drapeau national qui est d'abord le drapeau de la lutte pour l'indépendance. Les chants, des chants patriotiques, alors pas seulement l'hymne national, Qassaman, mais d'autres chants qui étaient ceux du Parti du Peuple Algérien, qui étaient repris parfois par la foule. Et aussi des portraits de martyrs, de dirigeants nationalistes, de maquisards. J'ai vu à Alger notamment des portraits de Krim Belkacem, d'Amirouche, de Sihel Haouez, Et dans la presse, j'ai également pu voir des photos de Messali Hadj qui était brandi donc par la foule à Tlemcen, de Mustapha Ben Boulaïd dans les Aurès. Donc il y a toute cette mémoire, tous ces symboles qui ressurgissent aujourd'hui, et qui font le lien finalement entre la révolution anticoloniale et la révolution démocratique d'aujourd'hui. Mais vous dites qu'ils ressurgissent. Est-ce que il s'agit vraiment d'un ressurgissement ou c'est une constance? Enfin, on va en parler tout au long des années 62 à nos jours. Il y a quand même ce récit un peu univoque, nationaliste, sur la révolution algérienne. Alors justement, il y a un récit, effectivement. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait peut-être creuser, c'est de voir quelles figures aujourd'hui sont portées, par qui et en quel lieu. Et pourquoi, évidemment. À Tlemcen, d'ailleurs, il y avait un article d'Elwatan le 31. Tlemcen qui était la ville natale de Messali Hadj. Oui, tout à fait. Et dont l'aéroport porte le nom, d'ailleurs. Exactement. Grâce à Abdelaziz Bouteflika. Alors grâce, il faut en discuter. il y a eu un calcul politique qui était fait à ce moment-là. Mais quand à Tlemcen des manifestants brandissent le portrait de Messali, c'est aussi pour réclamer, selon eux, la volonté de réécrire l'histoire, qui selon eux n'est pas fidèle à ce qui s'est passé. Oui, parce que effectivement, il faut raconter. Vous disiez, ça n'est pas un récit univoque, c'est un récit qui a voulu être uniforme en tous les cas, décidé d'en haut par le pouvoir algérien qui s'est instauré dans l'été 1962, mais qui avait fait fi effectivement des tendances, des dissidences. Et en particulier de celle de Messali Hadj, mais aussi de bien d'autres dissidences, y compris à l'intérieur du FLN en l'occurrence, parce que ça n'était pas la seule mémoire qui avait été bridée pendant de très longues années en Algérie. Bien sûr. Je pense qu'on en reviendra dessus dans la discussion. Il faut bien comprendre que le récit a évolué. On n'est pas resté bloqué donc aux années 60-70 où on essayait de taire toutes les divergences et les figures dissidentes. Entre-temps, il y a eu un travail, il y a eu une prise en compte des différences et la réémergence. Effectivement, Messali n'est pas sorti de nulle part comme d'autres figures. Mais je pense qu'on va en discuter. Tout de suite, déjà, avec vous, Emmanuel Alcaraz, vous êtes auteur d'un livre vraiment passionnant qui s'intitule « Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne » préfacé par Aïssa Kadri chez Cartella. Vous avez longtemps travaillé sur ces lieux de mémoire en Algérie même, en vous y rendant sur place, et vous avez d'ailleurs déterminé une sorte de chronologie, pourrait-on dire, à partir de différents lieux qui vous ont servi de base, que ça soit la prison Barberousse, le musée central de l'armée, le musée du congrès de la Soumam, par exemple, la bataille d'El Jorf ou encore le cimetière El Alias. Ce sont des lieux qui vous servent de base, pourrait-on dire, pour dire ben là s'incarne un type de mémoire de la guerre d'Algérie dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Alcaraz. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait, ce choix des lieux de mémoire justifie une périodisation de l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, mais aussi une histoire de la société algérienne. Pour moi, en fait, la mémoire est un instrument de connaissance des imaginaires sociaux, des cadres sociaux, politiques et culturels de la société. On sait très bien, par exemple, que si on parle de mémoire des massacres pendant la guerre d'Algérie en France, à Paris, par exemple, on a glissé d'une mémoire de Charonne, qui était très présente jusque dans les années 90, voire 2000, à une mémoire du 17 octobre 61. Et effectivement, ce sont les porteurs des mémoires qui font cette mémoire ou qui l'activent dans la société, en l'occurrence. Tout à fait, si ce n'est que la chronologie employée, utilisée en Algérie n'est la même que celle en France. Par exemple, malheureusement, Charonne est un lieu qui est un petit peu oublié en Algérie. On met surtout en avant la manifestation du 17 octobre 1961. Mais ça n'est pas très illogique d'une certaine façon. C'est parce que effectivement Charonne était porté par un parti communiste qui était tout puissant dans la métropole à ce moment-là, et que peut-être effectivement le 17 octobre 1961 c'est une mémoire plus partagée parce qu'elle participe de la mémoire du FLN. Le 17 octobre en Algérie est la journée de l'immigration. Mais vous avez cité la prison Barberousse-Serkadji. Ouais. Je vous rappelle que parmi les tendances oubliées du nationalisme, il y a le communisme algérien. Bien sûr. Et des militants communistes ont été enfermés dans la prison Barberousse-Serkadji, ont milité et ont lutté, je pense pas à Henri Allègue, que j'ai eu le plaisir de connaître à la fin de sa vie. Il y a eu des militants aussi messalistes qui ont été condamnés à mort, qui étaient à la prison Barberousse-Serkadji. Parmi ces grands militants communistes, il y a aussi Maurice Sodin, qui fait l'objet pendant le printemps algérien d'une réappropriation par les foules algériennes qui viennent déposer des post-it, les jeunes étudiants, sur la stèle de Maurice Audin qui avait été inaugurée par le président Hollande et le président Bouteflika. Il y a donc une réappropriation de cette mémoire dont le pouvoir revendiquait le monopole, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Et vous expliquez bien, Emmanuel Alcaraz, combien c'est plus complexe, évidemment, que simplement un gouvernement, un État qui s'approprie, qui maîtrise l'histoire et la mémoire. Parce que Boumediene, quand il arrive au pouvoir, il n'a pas forcément une... Enfin, il n'édicte pas une ligne stratégique, justement, de maîtrise et de manipulation de l'histoire. Enfin, certes, il conçoit qu'il faut s'occuper des archives, mais il ne met pas en place tout de suite non plus des archives nationales. Comment cette monopolisation peut-être de la mémoire et de l'histoire au tout début de la guerre d'indépendance se formalise ou non? Alors, au début, pendant la période 1962-65, sous Ben Bella, il y a plutôt des commémorations spontanées. Le lieu principal est le cimetière d'El Alia, qui est le panthéon de la nation algérienne. Et Boumediene a participé à un projet très important. Il a voulu, en fait, il était d'accord pour faire de la prison Barberousse Serkadji le musée national du Moudjahed. Et il a fait appel à des muséologues, je pense à Georges-Henri Rivière, qu'on surnommait le magicien des vitrines, qui est celui qui est le fondateur des ATP en France. Voilà, le musée des arts et des traditions populaires, l'inventeur des écomusées. Et il a fait appel donc à l'UNESCO, parce qu'il ne pouvait pas faire appel. Il y avait encore des conflits mémoriels avec la France. Et c'est Georges-Henri Rivière qui avait proposé une magnifique muséographie. Qui ne s'est pas faite, au bout du coup. Parce que c'est un lieu qui est gênant pour le pouvoir. Parce que le mettre comme lieu principal des commémorations, il recèle des possibilités d'autonomisation de la société, de contestation du pouvoir. C'est pour cela qu'après, sous la période Chadli, le lieu principal des commémorations est devenu l'esplanade de Riyad el-Fet, les jardins de la victoire, où se trouve le musée national du Moudjahed et le musée central de l'armée. Ça, c'est à partir de 1984, expliquez-vous. En 84. 82, le musée national du Moudjahed. 1984, le musée central de l'armée. Et n'oublions pas aussi que Chadli, comme il y avait eu le printemps berbère en 1980, a inauguré à Ifri Ouzelagun, où a eu lieu le congrès de la Soumam. Donc le premier congrès du FLN, en pleine guerre d'Algérie. En 1956. Voilà. Il a inauguré l'annexe du musée national du Moudjahed à Ifri Ouzelagun, qui est aussi un lieu de contestation qui est réapproprié par le mouvement culturel berbère. Oui, et ça c'est très intéressant, effectivement, parce que vous montrez dans votre travail sur les lieux de mémoire combien, effectivement, chaque fois qu'un pouvoir veut corseter, pourrait-on dire, la mémoire, elle s'échappe, elle sort par d'autres endroits et elle est réappropriée par ceux qui veulent en faire autre chose. Karima Diresh, vous êtes avec nous, vous avez travaillé pour ce livre qu'il faut conseiller à tous ceux qui aiment les études sur le Maghreb, édité par Morgane Coriou et Mohamed Waldi aux éditions de la Sorbonne, les études offertes à Omar Carlier, une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb. Vous avez travaillé sur la mémoire justement un peu corsetée de cette guerre d'Algérie, en particulier du nombre de morts, du rôle qu'ont joué les organisations de Moudjahid par exemple, et pour pouvoir justement maintenir un nombre de morts bien supérieur à ce qu'il a été réellement, puisqu'on le chiffre officiellement à 1 500 000 morts donc pendant la guerre d'indépendance, ce qui est très loin de ce qui a existé réellement, Karima Diresh. Oui, effectivement. Et puis il faudrait peut-être aussi souligner cette incroyable résistance d'un chiffre mythique de 1,5 million de morts, et en fait qui participe à ce récit historique, sacrificiel et martyrologique de la guerre d'indépendance. Et ce chiffre ne souffre, je dirais, d'aucune contestation. Nul aujourd'hui n'oserait s'aventurer à remettre en question ce que moi j'ai appelé dans mon texte un chiffre totem et qui participe en quelque sorte à alimenter la dévotion et le respect absolu des shuhada et des moujahidines. Les shuhada, ce sont les fils de martyrs. Les martyrs. Oui, l'association des fils de martyrs. Oui, exactement. Et en fait, ce chiffre, 1,5 million de morts, je dirais, participe du culte des morts, mais en même temps, dans une espèce de, comment pourrais-je dire, un souci féroce de protection de la dette de sang qui a été instaurée par l'État algérien au profit de ce qu'on appelle, depuis quelque temps déjà, la famille révolutionnaire. Séverine Yatta. En même temps, vous dites bien, Karima Diresh, que parfois, il y a des chiffres qui fuitent, notamment, par exemple, par le ministère des Moudjahidines qui énonce plutôt des chiffres comme 380 000 qui en fait ont droit de percevoir la pension parce que l'enjeu il est aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire qui est reconnu comme ancien combattant, qui est reconnu comme enfant d'ancien combattant peut toucher la pension d'ancien combattant. Donc plus le chiffre est élevé, plus cela coûte cher aussi à l'État algérien. Il y a quelque chose d'intéressant, si vous voulez. L'Algérie est peut-être un des rares pays à avoir, au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de ses combattants augmenté. C'est quand même quelque chose. Il faut rappeler en fait qu'à deux reprises, en 1974 et en 2004, on a eu effectivement un état comptable qui ont été rendus officiels, notamment par voie de presse, du nombre en fait de combattants morts, de combattants tués au combat. En 1974, le chiffre a été ramené à 153 000 civils tués, civils et militaires. On est donc à 10% du chiffre initial, hein, des 1,5 million de morts. Et en 2004, justement, quand ce chiffre a été rendu public, en 1974, par le ministère des Moudjahidines lui-même, c'était justement parce que à l'époque, on essayait un petit peu de faire le point parce que la question des pensions grevait en fait lourdement le budget du ministère. Et donc cette liste, elle était destinée à établir le nom des bénéficiaires des pensions et autres avantages. Parce que comme vous le disiez, effectivement, il faut savoir que avoir le statut de Moudjahid ou bénéficier du statut de fils de Shahid permet l'accès à un certain nombre d'avantages, pensions, subventions en toutes sortes, agréments d'État, dispense de diplôme pour rentrer dans la fonction publique, etc. Et en 2002, on a eu effectivement, alors que c'était le 40e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un autre rapport statistique sur l'état de la question des anciens combattants et donc des victimes de la guerre. Là aussi, on était dans un chiffre, alors qu'il avait un petit peu plus augmenté par rapport à 73, à 74, autour de 250 000 martyrs authentifiés morts au combat. Donc ça, c'est le dernier état comptable sur la question. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce chiffre de 1974 et ce chiffre de 2002 sont passés complètement dans une espèce de silence incroyable. Vous voulez dire qu'on en est resté toujours au chiffre de 1 500 000, qui est le chiffre totem. Fait, c'est l'incroyable résistance de ce chiffre, si vous voulez, réellement, par rapport à la réalité objective et comptable. Nejim Sidi Moussa, oui. On est dans autre chose. Oui. Oui, un court complément suite à ce que vient de dire Karima Diresh. Effectivement, alors le chiffre d'un million et demi de martyrs, alors c'est pas simplement les morts, c'est aussi les blessés, etc. C'est plus large que simplement le simple nombre des victimes. Et c'est un chiffre qui cherche à frapper les imaginaires, à se fixer à un certain niveau justement de martyrologie et de victimisation, de la même manière que le chiffre de 45 000 morts lors des massacres de Sétif et Guelma n'est pas non plus tout à fait avéré scientifiquement. Mais là encore, je tiens à préciser juste une chose, c'est la grande difficulté de discuter des chiffres, donc en s'appuyant sur des éléments concrets et en évitant justement l'accusation de relativisation des crimes du colonialisme. Donc c'est une discussion extrêmement sensible et délicate. Mais en même temps, on sait bien aussi que c'est pas 200 000 morts, c'est déjà énorme. 50 000 morts, c'est déjà trop. C'est déjà trop, évidemment. Mais Emmanuel Alcaraz. Oui, je voulais dire en fait qu'il y a un débat parce qu'il y a un démographe qui s'appelle Kamel Kateb. Qui a, à partir des études statistiques qui sont incomplètes, en fait, on n'a pas toute la documentation démographique pour chiffrer scientifiquement le nombre de victimes. On ne peut émettre, en fait, que des hypothèses sur ce nombre de victimes. Et en fonction des orientations de l'historien, ces hypothèses sont plus ou moins basses ou hautes. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait la critique du livre de Jean Sévilla pour le quotidien d'Oran, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Il a plutôt une estimation basse. D'autres historiens ont plutôt une estimation entre 400 000 et 500 000 habitants, 500 000 victimes. Et c'est plutôt, à mon avis, l'hypothèse la plus probable. Oui, alors, tout de même, ce que dit Karima Diresh, ce que vous dites, c'est qu'en fait, le récit mémoriel se présente souvent comme un récit historique. Et c'est peut-être la difficulté, c'est-à-dire comment faire de l'histoire. On le sait pour la France, pour tout un tas de périodes, y compris celle de la guerre d'Algérie vue de France. Comment faire de l'histoire quand la mémoire s'en mêle de façon très complexe, et donc comment discerner ce qui tient de l'ordre du souvenir, de la fidélité à ceux qui sont morts, et de l'autre côté, au travail qu'il faut mener en tant qu'historien ou historienne, Karima Diresh. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, en fait, dès 1900, à la fin des années 60, on a des historiens français qui avaient tenté déjà d'établir une comptabilité. Charles-Robert Ageron en particulier. On avait, oui, Ageron, mais André Prenant, Xavier Iacono. Et par la suite, on a eu effectivement Kamel Kateb qui avait proposé qui a fait un travail extrêmement minutieux, et lui qui en était arrivé à un chiffre de 400 000 victimes. En fait, bon, là c'est une comptabilité morbide, hein, mais elle dit un certain nombre de choses. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce silence-là, permet de comprendre l'extrême difficulté en Algérie de participer, si vous voulez, à la comptabilité. On a exactement la même chose pour les victimes des années 90, de la décennie 90. Entre 100 et 200 000, dit-on. 20 000 disparus, on vous dit entre 100 et 102 et 200 000 victimes. Et on a le sentiment vraiment que l'Algérie, sur ces questions-là, c'est une espèce de terrain hors champ, alors que on a des méthodes en démographie historique qui sont tout à fait efficaces pour calculer, la surmortalité en temps de conflit, en temps de guerre. On a su très bien le faire pour la Première et Deuxième Guerre mondiale, on a su très bien le faire pour le Rwanda, on a su très bien le faire, pardonnez-moi, pour des temps un peu plus présents, le conflit en Bosnie. Donc là, on voit bien que c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'il y a une résistance, parce que je pense que si la réalité objective et matérielle des chiffres ne peut pas rivaliser avec la force du mythe, malgré la publication de tous les chiffres, hein, et même ces chiffres-là, celui de 2002, a été quand même publié dans l'organe nationaliste qui est Al-Mujahid, donc on ne peut pas de connivence, de complicité, de quoi que ce soit, avec une remise en question du nationalisme algérien, c'est absolument pas. C'est que ce chiffre, en fait, il s'adosse totalement au culte voué donc au Shuhada, qui lui-même est intrinsèquement, lié et corrélé aux valeurs du nationalisme d'État, et qui permet aussi de légitimer les élites politiques au pouvoir qui se sont succédées depuis 62. Et on voit bien aujourd'hui dans les rues d'Alger ce qui se passe, c'est que ce chiffre-là, il ressort aussi. Oui, voilà. Bien sûr, ça fait partie effectivement des sacrifices terribles de nos aînés, 1,5 million. Donc vous voyez bien qu'il est remobilisé aussi dans la contestation contemporaine, qui demande justement le départ de ce régime. يا زائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسد ونعصف بالظلم والظالمين سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصبين قهرنا الأعادي في كل ود فلم تجدهم طائرات عود ولا طنك ينجيهم في البود فباءوا بأشلائهم خاسرين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين وقائد France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire dans la construction, autour de la construction de la nation algérienne, et aujourd'hui un débat autour des mémoires de la guerre d'indépendance, donc en Algérie même. Emmanuel Alcaraz, vous dites dans votre travail tout à fait passionnant sur les lieux de mémoire de l'Algérie indépendante, donc chez Cartala, que la particularité de cette mémoire, c'est que les lieux de mémoire sont construits, sont antérieurs à la construction d'un sentiment national. C'est-à-dire que quand on travaille sur les lieux de mémoire en Europe, eh bien, le sentiment national est là depuis un siècle, deux siècles, ou 50 ans, ou 100 ans. Et puis ensuite, les lieux de mémoire viennent le conforter. Et vous dites que c'est l'inverse en Algérie. Oui, je dis surtout, en fait, vous savez, l'approche des lieux de mémoire qui a été, dont l'initiateur est celle de Pierre Nora, dans cette œuvre monumentale. Et collective. Et collective, tout à fait, qui a fait de nombreuses émules. Il se posait la question, est-ce qu'on peut exporter cette approche des lieux de mémoire en dehors de la France? Parce que les Français ont un rapport qui est spécifique à l'histoire. Eh bien, les Algériens aussi ont un rapport spécifique à l'histoire. Donc, ça peut être aussi, il suffit d'aller en Algérie dans une librairie algérienne pour voir le nombre de livres qui sont consacrés à la guerre d'Algérie. Et les Algériens, en fait, se sont un peu inspirés, par exemple, pour la construction des monuments aux morts. C'était le pays, l'Algérie, sous l'Algérie coloniale, c'était le pays où il y avait le plus de monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Et ils ont un peu, quelque part, hérité de cette pratique. Ils se sont réappropriés cette pratique en l'adaptant au culturalisme arabo-musulman, en mettant en avant, par exemple, la mémoire du djihad, c'est-à-dire, dans la mythologie nationale, le fait qu'on ait fait une guerre pour refaire de l'Algérie une terre musulmane. Bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec le salafisme djihadiste, c'est totalement différent. Séverine Attin. Oui, par rapport à ces lieux de mémoire ou ces lieux qui célèbrent des mémoires, alors c'est la problématique aussi de cette histoire mémoire algérienne. Nedjib Sidi Moussa, pas de lutte fratricide pendant la guerre d'Algérie entre les indépendantistes. Vous avez travaillé sur Messali Hadj, qui est honni qu'il est encore, qui arrive à être un peu mieux reconnu aujourd'hui, mais qui est couramment traité de traître, de harki, alors qu'il est le premier à avoir milité pour l'indépendance algérienne dès les années 1925. Oui, tout à fait. La stigmatisation, l'ostracisation à l'égard de Messali et de son mouvement ne sont plus les mêmes que lors du temps justement du conflit pour l'indépendance, donc où il y avait une véritable propagande de guerre qui était le produit de la conséquence de la lutte entre le FLN et le MNA qui était dirigé par Messali. On est quand même sorti de cette rhétorique extrêmement violente, même si dans certains secteurs assez limités de la société algérienne, on réactive des vieux réflexes, des vieux slogans extrêmement hostiles, des amalgames douteux, voire honteux. Disons que également, si on s'intéresse par exemple au simple aspect des manuels scolaires ou du discours étatique, eh bien Messali a repris sa place. Mais précisons-le, c'est le Messali jusqu'en 1954, c'est-à-dire le Messali jusqu'à la création du FLN, et effectivement, il y a encore cette réticence à prendre en considération le pluralisme au sein du courant anticolonial, du mouvement anticolonial. Donc comme l'évoquait tout à l'heure mon collègue, la question des communistes, elle est toujours en débat, elle est portée par, encore une fois, des secteurs assez limités de la société algérienne, mais elle ne fait pas l'unanimité, ils sont encore délégitimés pour des raisons d'ordre politique, puisque les courants conservateurs arabo-islamiques ont tout de même pris la main sur le secteur de l'éducation et une bonne partie des médias. Mais il y a eu d'autres courants anticolonialistes ou nationalistes, du type de ceux de Farhad Abbas, qui ne sont pas évidemment stigmatisés ou ostracisés comme l'ont été ceux de le parti de Messali, mais on a encore cette difficulté, il me semble, à embrasser l'ensemble des sensibilités et du pluralisme au sein du courant anticolonial. Mais même au sein du FLN, il y a eu des dispersions. Ah, mais c'est moins qu'on puisse dire, évidemment. Et des règlements de compte, et des assassinats, et des massacres. Emmanuel Alcaraz. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on, dans la mémoire nationale, on n'est pas parvenu en fait à une synthèse entre ces différents courants du nationalisme. Vous citez justement Nedjib, le républicanisme arabo-musulman de Ferhat Abbas, le communisme algérien, le messalisme. Mais finalement, je trouve que peut-être pour faire une synthèse, c'est vrai que ce mouvement du printemps algérien, il y a un retour de la mémoire de mémoire de Messali. Vous voulez dire celui que nous vivons aujourd'hui. Celui que là. Nous vivons aujourd'hui. Ouais. Mais peut-être aussi le personnage qui ferait un peu la synthèse, aussi, ce qui serait un lieu de mémoire de la nation algérienne, serait peut-être Frantz Fanon. Mmh. Frantz Fanon, pourquoi ? Parce que dans la mémoire officielle, on en fait un prophète de la violence, mmh. alors qu'en fait, il est finalement le théoricien de la libération. De la libération des masses des pays du Sud, libération politique, libération économique et libération culturelle. Ça, c'est votre souhait ou c'est que vous pensez que ça pourrait être... C'est une interprétation du mouvement. Et notamment lors du printemps arabe, Frantz Fanon a été redécouvert en Tunisie. Il y a eu des colloques qui ont été organisés en Tunisie sur Frantz Fanon. Et en Algérie, il s'envoyait avec ses revendications autour de la dignité, autour de la justice. C'est peut-être le personnage qui ferait un peu le lien entre tous ces courants. Voilà, c'est une interprétation. C'est un débat. Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai pas vu le portrait de Frantz Fanon brandi par la foule. Et il y aurait effectivement. Alors, je vous rejoins sur. Sur la caricature de Frantz Fanon, de sa pensée en faisant l'apôtre de la violence, notamment avec la fameuse préface de Sartre, hein, il était beaucoup plus subtil que ça de ce point de vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très récupéré aujourd'hui, enfin récupéré dans le bon sens, très cité par tout un tas de mouvements un peu partout dans le monde encore aujourd'hui. Oui, effectivement, d'autant qu'il y a eu un aller-retour en plus entre, disons que sa pensée a été exportée aux États-Unis et est revenue en France d'une manière assez déformée. Non, mais ça nécessiterait de plus longs développements, à mon avis. Mais je ne sais pas si Frantz Fanon, étant donné sa position, en tant qu'intellectuel, etc., serait la figure la plus à même de fédérer, on va dire, à supposer que l'on doit aller vers cette direction, fédérer les différents groupes. Cette problématique de fédération, c'est quoi la nation algérienne ? Quelles sont les identités de l'Algérie ? Parce que ça aussi, elles ont été, d'une certaine manière, corsetées Alors, je ne prétends pas répondre à la définition de la nation algérienne qui s'est constituée dans la résistance au colonialisme français et qui a ensuite été construite et instituée par l'État algérien indépendant. Mm-hmm. Mais ce que je tenais à dire, c'est que cette nation, elle est plurielle comme toutes les autres nations. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi lors de ces manifestations depuis le 22 février ? C'est la juxtaposition, la présence du drapeau algérien, donc le drapeau national, mais aussi le drapeau amazir. Et ce qui montre que... Le drapeau berbère. C'est quand même une révolution symbolique. Hein, surtout après la répression du printemps noir en Kabylie en 2001, voir flotter dans la rue d'Alger et le drapeau amazir aussi. Alors, il y avait aussi le drapeau palestinien également, c'est important aussi de le souligner. Ça montre aussi que les Algérois ont progressé dans l'acceptation de la différence et de la pluralité de la nation algérienne. Oui, ce qui n'était pas évident, puisque vous expliquez tout le temps dans votre livre sur les lieux de mémoire, Emmanuel Alcaraz, vous expliquez que le pouvoir avait hérité du jacobinisme français, de l'unitarisme arabo-musulman. Et que la difficulté, c'était justement de corseter, comme on le disait tout à l'heure, ces mémoires différentes, la Kabylie, les Aurès ou d'autres choses, et que c'était bien difficile, mais qu'au bout du compte, la société avait réussi à faire surgir, comme ça, des mémoires alternatives à la mémoire officielle. Oui, parce que bon, moi je parlais de Frantz Fanon, parce qu'en fait, l'Algérie est un pays arabe, musulman, berbère, et aussi un pays africain. Et donc, d'où aussi l'importance. Mais bien sûr, Messe El Hadj est aussi un lieu de mémoire, dans le sens que c'est le premier qui a évoqué l'indépendance de l'Algérie. Alors certes, il y a un retour dans les revendications dans les manifestations. Il y a un retour aussi de cette grande figure de la lutte pour la libération nationale, qu'est Messe El Hadj et dont vous parlez dans votre ouvrage. Mais il y a toutes ces revendications. Vous avez raison autour du mouvement culturel berbère. On voit réapparaître le drapeau tamazir. Mais le tamazir a été reconnu. Il y a eu quand même quelques concessions qui ont été faites. Comme langue officielle. En 2004, il a été reconnu comme langue nationale. En 2016. Comme langue officielle, mais il y a encore au niveau dans les programmes scolaires, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. À accomplir. Karima Diresh, vous êtes avec nous au téléphone depuis Aix-en-Provence, là où vous cherchez. Vous êtes chercheuse, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Télème, et votre livre collectif dans lequel écrit d'ailleurs Emmanuel Alcaraz et Nedjib Sidi Moussa, qui s'intitule L'Algérie au présent, entre résistance et changement. Vous imaginez sûrement pas que cette révolution que nous vivons ces temps-ci allait se déclencher quand vous l'avez démarré, ce livre qui fait plus de 800 pages. Eh bien, ce livre va essayer de comprendre justement ces liens entre passé et présent, utilisation et usage du passé dans le présent de l'Algérie. Oui, et ça c'est évident que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit publié à ce moment-là, en fait, parce que cet ouvrage, c'est un projet que j'avais en tête en 2012 pour le 50e l'indépendance algérienne, donc c'est vous dire, et pour toute une série de choses, en fait, il a été reporté, et que l'appel à contribution, en fait, est parti en mai 2017, donc vous voyez, ça fait un peu moins de 2 ans. Et justement, le souhait était de faire, en fait, d'établir un état des lieux de la connaissance, si vous voulez, en sciences humaines et sociales, sur l'Algérie contemporaine. Comme vous pouvez le savoir, c'est que l'Algérie est quand même un des pays les moins connus, des pays du Maghreb, quand on compare avec la façon dont les SHS, les sciences sociales et humaines, se polarisent sur la Tunisie et le Maroc. Et donc, pendant longtemps, on avait le sentiment, en fait, qu'on avait un pays gigantesque, fascinant, mais en même temps énigmatique, pour toute une série de raisons. Et je tiens juste à dire, compléter ce qui a été avancé tout à l'heure, c'est que, en fait, dès l'indépendance de l'Algérie, la discipline de l'histoire, la discipline historique a quand même été kidnappée par le pouvoir d'État, clairement. Et que la question du récit de la guerre d'indépendance est quand même la maîtrise du récit national qu'on va retrouver. Et que l'on retrouve encore jusqu'à présent dans la façon dont on enseigne. Bien sûr, mais on sait que ça fuite, on sait que tout pouvoir qui tente de contrôler absolument l'histoire n'y parvient pas, en fait, au bout du compte. Mais c'est l'incroyable résistance, si vous voulez, à la fois de ce récit un peu figé, héroïque, martyrologique, etc., et qui se maintient effectivement dans les programmes scolaires et dans les pratiques pédagogiques, et ça, le fait que ce récit lui-même est totalement dévalorisé et discrédité aussi, c'est-à-dire qu'on l'apprend, mais on n'y croit pas, en fait. Donc, vous voyez bien, et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans la rue, face à ces élites politiques qui se maintiennent au pouvoir et qui mobilisent une rhétorique d'arrière-garde avec un logiciel politique qui est totalement obsolète, et des attentes de la société qui sont à des années-lumière. Bien sûr. Pour faire un peu le parallèle. Et donc, quand j'avais lancé cet appel à communication en mai 2017, il était quand même très intéressant que les retours en disaient long, c'est-à-dire que j'avais très peu de propositions sur les thématiques historiques et sur les thématiques de sociologie politique. Je ferai aujourd'hui cet appel à contribution avec ce qui est en train de se passer. Je peux vous assurer que les retours ne seraient pas tout à fait pareils, un peu plus contrastés, parce que là, il y a un déverrouillage complet de la parole. De la parole, et puis surtout du fait qu'il y a des choses qui ne sont plus sensibles. Ce que j'avais effectivement en majorité, c'était des propositions d'articles sur l'aménagement du territoire et sur les processus de patrimonialisation. Emmanuel Caraz. Donc, pour compléter un peu ce qu'a dit Karima, c'est vrai qu'il y a un rejet de la part de la population des usages, de l'instrumentalisation de la mémoire de la guerre d'indépendance. Mais je pense que dans la société algérienne, il y a un profond respect pour les martyrs de la guerre d'indépendance algérienne. Donc, comme Nedjib l'a dit, il suffit de voir les portraits qui sont brandis par la population. Ce que réclame la société, c'est que mettre un terme à ce monopole de la gestion de la mémoire étatique, et donc comme vous dites, il y a des brèches qui sont en train d'être ouvertes avec la rue, qui devient finalement un nouveau lieu de contestation, parce qu'avant ces lieux de contestation de cette mémoire officielle étaient très limités, et là la brèche est bien ouverte, semble-t-il. Et pourtant vous dites, Karima Diresh, dans votre article, que le questionnement sur la manière dont on enseigne l'histoire en Algérie, il y a eu un grand colloque en 1992 sur la question, donc en pleine décennie noire, le colloque est publié et dénonce évidemment l'instrumentalisation de l'histoire par l'État. Et puis il y a eu d'autres enquêtes qui ont été menées, par exemple sur la question de l'enseignement, où Emmanuel Alcaraz, puisque vous avez travaillé vous en particulier sur cette question-là, justement, dans l'ouvrage que va à diriger Karima Diresh. Tout à fait, parce que j'ai suivi en fait une classe, que moi je suis à la fois enseignant universitaire, enseignant dans le secondaire, et j'ai fait un travail pédagogique pour suivre une classe au musée national, au musée des Beaux-Arts d'Alger, qu'on surnomme le Louvre d'Alger. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte, en voyant quelques statistiques, que les musées en fait algériens, qui sont à l'origine, ont été créés pour ces musées du Makam El-Chahid, ont été créés pour les scolaires, pour les visites scolaires. Et en fait, le nombre de visiteurs est très faible. Donc il y a bien un travail, mais dans les pratiques pédagogiques, On n'est pas en fait sur des approches de mise en activité qui permettent la réappropriation. On est encore sur des apprentissages par cœur, tels que l'apprentissage de l'histoire se pratiquait avant en France. Donc il y a tout un travail à faire sur l'innovation pédagogique en collaboration. Pour que les gens se réapproprient personnellement leur histoire, comme on l'a fait avec les anciens résistants, avec les choses comme ça, où les enfants des écoles s'imaginent quelle est la vie, on raconte la vie et on rentre dans la vie de chacun des personnages, par exemple. Et par exemple, vous parliez dans les années 70, les manuels scolaires algériens étaient en fait récontrôlés par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas qu'on vous avez des... C'est pas souhaitable. Nedjit Moussa. Oui, je veux aussi avancer dans la discussion sur le fait que la tentation ou la tentative de monopoliser ou de constituer un récit national qui n'est jamais tout à fait hégémonique de la part de l'État a toujours été contestée, à commencer par les familles. C'est-à-dire que quand on a dans sa famille des martyrs ou des anciens combattants ou combattantes, on sait que ce qu'on apprenait à l'école, ce qu'on lisait dans la presse, notamment dans les années 70 jusque dans les années 80, ne correspondait pas tout à fait à un vécu. Alors ce qui pouvait en retour aussi cristalliser des mémoires familiales qui se trouvaient en opposition avec la mémoire officielle par exemple. et aux autres mémoires, et aux autres mémoires. Donc ouais, ce qui est assez compliqué. Et par ailleurs, ce que je tenais également à dire, que à partir du moment où en octobre 88 il y a une relative ouverture dans les médias, dans l'édition, parce que jusqu'alors les médias étaient uniquement contrôlés par l'État, de la même manière que les maisons d'édition étaient toutes étatiques, on assiste quand même à la publication de mémoires, de livres d'histoire, de tribunes, de contributions qui contribuent justement à pluraliser. Ah oui, complètement. Et puis aussi, c'est vrai que vous savez que vous avez des programmes officiels, mais il y avait des professeurs qui ne les suivaient pas. J'ai fait une interview d'une dame qui a été élève dans les années 70 en Algérie, et elle avait un professeur, alors que c'était interdit, je crois que le nom de Messel Yadj ne figurait pas dans les manuels scolaires. Alors, on lui a bien enseigné que Messel Yadj était une grande figure de la lutte de libération nationale, que c'est le premier à avoir parlé de l'indépendance de l'Algérie. Et après, bien sûr, les ouvertures ont suivi. Donc, vous avez, il y a des programmes officiels, puis après, il y a aussi la manière dont les enseignants se réapproprient ces programmes. On sait qu'on commande souvent les programmes et qu'il faudrait mieux aller voir dans les classes ce qui s'y passe. C'est une meilleure manière de comprendre. Mais en amont, il y a les courants historiographiques, les historiens professionnels. Je crois qu'il a fallu attendre 2001 avant que le numéro de revue NARC publie Histoire et politique. Il y a plusieurs courants historiographiques aussi, bien sûr, comme partout. Mais ce sont eux aussi qui peuvent infuser justement d'autres manières et d'autres interprétations dans l'enseignement dans le secondaire de l'histoire. Légitime ça, puis Karima Diresh. Oui, alors certes, comme je disais, je me suis évidemment intéressé à la figure de Messali, mais on peut s'intéresser à d'autres cas. Il y a quand même eu une ouverture ces dernières années. Il y a la commission qui s'occupe des programmes scolaires a tout de même pris en compte justement cette production historiographique et scientifique qui, sa publication et sa diffusion dans la société et dans certains secteurs, à commencer par les intellectuels et les journalistes, les programmes scolaires et le discours plus ou moins officiel ne pouvaient pas continuer à être aussi sclérosés et en décalage. Mais simplement préciser que la revue NACT existe depuis ce numéro-là, ce numéro Histoire et politique 2001. Oui. Le débat avait commencé bien avant. Karima Diresh, sur ce point et puis sur ce que beaucoup de gens disent depuis longtemps, à savoir la nécessité sur la question de la guerre d'indépendance, par exemple, de travailler ensemble des deux côtés de la Méditerranée, français et historien français, historienne française et historien et historienne en Algérie. Est-ce que ça pourrait avancer plus rapidement que ça n'a été le cas depuis quelque temps, parce que c'est plutôt un vœu pieux jusqu'à maintenant? Oui, il y a plusieurs choses dans votre question, Emmanuel. En fait, juste un mot, c'est-à-dire entre ce qui se passe, tout le travail effectué par des historiens qui, en Algérie, travaillent souvent seuls. C'est une pratique solitaire. Et donc, tout le savoir produit ou renouvelé, ou les propositions de lecture qui réoxygènent en quelque sorte le savoir historique, celui-ci n'est pas relayé par les circuits classiques dans l'éducation, à l'école, au collège, au lycée et à l'université, ça clairement. On a effectivement des tentatives. Vous savez, la brèche s'est ouverte en 88 avec ce qu'on appelle aujourd'hui le proto-printemps algérien, hein, donc ces émeutes qu'il y a eu qui ont été terriblement réprimées dans le sang, où pour le coup, on a une production éditoriale assez extraordinaire de mémoires, de témoignages, d'acteurs, etc. Mais pour le coup, effectivement, on reste dans le cadre à la fois du souvenir et du récit personnel. Et à partir de ce moment-là, on a une espèce de concurrence entre les acteurs, les entrepreneurs de mémoire ou les acteurs mémoriels et la pratique, le travail de l'historien tel qu'il est, qui est un travail de l'historien qui est extrêmement contraint en Algérie. Vous savez, les historiens, ça commence à se décanter un tout petit peu aujourd'hui, mais il y a des tas de sujets qu'on ne peut pas aborder. L'histoire algérienne contemporaine n'a pas encore fait son travail sur l'histoire des Juifs, sur l'histoire des Pieds Noirs, sur l'histoire des communistes, sur l'histoire... vous avez tout un pan des silences. Et sûrement pas sur l'histoire des Harkis. Ne parlons pas des histoires d'archives, ou quand elle est faite de façon extrêmement idéologique, hein, de toute façon. Donc vous avez, il y a des chantiers absolument gigantesques à investir. Hein. Donc les choses, il y a toujours cette forme de sensibilité, on ne peut pas, c'est compliqué, le travail des archives. Mmh. Et puis il y a aussi cette dimension qui, à mon avis, est fondamentale, c'est la question de la formation de l'historien. Mmh. On a formé les historiens ou les jeunes étudiants en histoire, voilà, à répéter et à pratiquer une histoire de propagande et nationaliste. On a effectivement des renouvellements, mais ces renouvellements sont extrêmement, voilà, à la marge et à la périphérie. Emmanuel Alcaraz. Oui, sur l'historiographie, il faut savoir qu'en Algérie, quand même, tous les livres, en fait, sont disponibles. En fait, ils sont disponibles, mais le problème, c'est leur diffusion. Ils sont disponibles dans certaines librairies, mais le pouvoir, en fait, n'a pas interdit les ouvrages, mais il a contrôlé la diffusion de ces livres. Mais on a accès à tous les courants historiographiques. Et je parlais tout à l'heure. Oui, Karimia Diraj, très brièvement. Oui, très brièvement, sur la question en fait de l'histoire de l'indépendance, de la guerre d'Algérie, il faut savoir que les associations de moujahidines et d'enfants de Shuhada sont les gardiennes du temple de l'histoire de la guerre. Et elles sont largement dotées, hein, de financement, de moyens. Je rappelle juste que quand même en janvier 2017, vous avez un décret d'un journal officiel qui dit que les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne sont systématiquement soumis à la lecture donc du contenu. Donc on peut avoir toute une série effectivement d'ouvrages qui sont là, qu'on voit effectivement dans les librairies algériennes, mais en amont, certains ouvrages, en tout cas sur ces questions de la guerre d'indépendance, sont soumis au filtre et à la lecture. Oui, sur l'historiographie algérienne, c'est vrai qu'il y a une historiographie officielle, donc le principal animateur était Abou El-Kassim Saadallah, qui était plutôt issu du courant réformiste musulman, qui a écrit aussi une monumentale histoire culturelle de l'Algérie en 9 tomes, mais qui n'existe qu'en arabe et qui n'est pas traduit en français. Mmh. Donc pour un éditeur français, je pense que ce serait cet ouvrage est très important. Il avait fait sa thèse en plus aux États-Unis avec une bourse. Il est mort en 2013, c'est ça ? Voilà. Et l'autre courant, c'est bien sûr le courant animé par Mohamed Harbi, qui est un courant plutôt critique, où il a travaillé avec Gilbert Meynier pour écrire l'histoire intérieure du FLN avec ses archives, son fonds d'archives qui est pour le moment encore inégalé. Voilà, merci à tous les trois d'être venus, donc Nejis Silimoussa, Emmanuel Alcaraz et vous-même, donc Karima Diraj, dont je rappelle que l'Algérie au présent, entre résistance et changement, un gros livre de plus de 800 pages va apparaître très bientôt chez Cartala. Pour votre part, c'est toujours chez Cartala qu'on peut trouver Les lieux de mémoire, paru il y a 2 ans maintenant, de la guerre d'indépendance algérienne. Il y a un an et demi. Un an et demi, voilà, c'est ça, voilà. Emmanuel Alcaraz. Les études offertes à Omar Carlier sont publiées aux éditions de la Sorbonne, et puis votre livre, c'est Nejis Silimoussa, vient tout juste de sortir au PUF, Algérie, une autre histoire d'indépendance. Et en Algérie, chez Barzac. Ah, il est sorti chez Barzac. Oui. Je ne sais pas s'il a été lu par la commission étatique, mais en tout cas, il est disponible. Donc, il est disponible et en Algérie et en France, effectivement. Chez Casbah Édition. Il sera diffusé prochainement en Algérie. Voilà. Et puis, demain, on n'a pas le temps d'écouter le petit élément que nous vous avions prévu de diffuser aujourd'hui, donc pour évoquer votre documentaire. Ben, vous reviendrez encore sur la mémoire de la guerre algérienne. La bataille d'Alger, le film de Pontecorvo, il est un document d'histoire et puis il fait histoire puisqu'il a été tourné juste après l'indépendance en 65. Donc il dit beaucoup de choses sur l'indépendance et puis tout au long de son Jusqu'à aujourd'hui, il est réinterprété et aussi au gré justement des réflexions et des travaux historiographiques. Sur donc un film qui est devenu un document d'histoire et un film culte. Ça sera donc le dernier volet de notre série d'émissions sur la construction d'une nation, la nation algérienne, que nous avions commencé avec Hélène Blay lundi. Merci donc à tous les trois. Merci. Et on va suivre évidemment à la Fabrique de l'Histoire mais partout sur France Culture les suites de ce... Alors, est-ce que c'est un printemps algérien, puisqu'on a déjà parlé du printemps de 2000, le printemps berbère, le printemps de 1988. N'ayons pas peur des mots, parlons de révolution. Voilà, très bien. Et vous l'appelez comment, vous? Espérons que ce printemps dure longtemps et reste de velours. Voilà, merci beaucoup à tous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Ludovic Auger était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Comme d'habitude, donc vous pouvez aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, pour y retrouver les ouvrages dont on a parlé aujourd'hui. Ils sont nombreux, ainsi que nous discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Le réseau Twitter, l'adresse de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.